À présent, direction la Dordogne, où nous allons visiter la grotte préhistorique de Lascaux, qui se trouve sur le territoire de la commune de Montignac. Découverte le 12 septembre 1940 par 4 adolescents, elle était inviolée depuis 18 000 ans. Ouverte au public le 14 juillet 1948, elle a été fermée après 15 années d'exploitation. Les nombreux visiteurs y avaient amené trop de bactéries et de gaz carbonique. De la mousse s'était formée. Tout cela devenait dangereux pour la conservation du site. Aujourd'hui, c'est une reconstitution que l'on visite à quelques kilomètres de là, à Eliac. Seuls les chercheurs peuvent encore admirer l'original de ce chef-d'œuvre de l'art pariétal, une fresque de 17 mètres de long sur 6 mètres de haut, qui représente sur un fond de calcite blanche une cavalcade mythique où des taureaux bistres noirs et pourpres se mêlent à des chevaux, des vaches, des cerfs, des aurochs, un ours et une licorne. Alain Jaubert est l'un de ses chercheurs. Il vient de réaliser un film sur la grotte de Lascaux où il s'est surtout attaché à étudier le travail des peintres. Des trous dans la paroi, des restes de bois et de cordes prouvent que les artistes de la préhistoire ont utilisé des échafaudages. Ils s'éclairaient au moyen de graisse qu'ils disposaient dans des cailloux creux. En ce qui concerne les techniques de peinture proprement dites, les surfaces ont été peintes avec les mains ou d'autres éléments dont ils se servaient comme pochoirs. Les gros points ont été faits avec des tampons de peau et les plus petits par crachis, une technique où l'on projette la couleur en soufflant dans un os ou dans un roseau creux. Cette technique est encore utilisée de nos jours par les aborigènes australiens et les bushmen de Kalahari. Si l'on a longtemps cru que ces peintures rupestres étaient uniquement décoratives, de nouvelles recherches montrent qu'elles avaient surtout une fonction magique, voire religieuse. Lascaux pourrait donc avoir été un sanctuaire, un temple. Alain Jaubert évoque aussi l'aspect viscéral, animal de cet espace souterrain, un lieu dont le côté hallucinatoire devait être encore renforcé par la lumière vacillante des torches. Le nombre important de taureaux signifierait l'appartenance à un clan et la réunion des animaux symboliserait une alliance. Mais plusieurs points sont encore à élucider. D'abord, la signification des milliers de signes abstraits qui sont gravés sur les parois de la grotte. Il pourrait s'agir de codes ou encore d'une écriture que les hommes préhistoriques de cette région étaient en train d'inventer. Enfin, il reste l'énigme la plus importante, celle qui se rattache à la scène du puits, où l'on peut voir un homme à tête d'oiseau en train de mourir à côté d'un bison qu'il a blessé au flanc. Autant de messages indéchiffrables et qui le resteront encore longtemps.